Je suis parti vers toi, mais tu n'étais pas là. Je dis à mi-voix, pourquoi tout ça? Et je brûle mes ailes, j'accumule ma peine, je module, je freine, je bouscule l'usuel. Mes nuits poursuivent mes tourments de l'ennui assommant. Je dis à mi-voix, pourquoi pas moi? Et j'assume l'irréel, je présume que tu m'aimes, je rallume ma migraine, je bouscule l'usuel.